Maurice Boué, le roi des aventuriers. Troisième partie, l'assassin invisible. Chapitre 1. Un mariage inexplicable. Mordius, qu'avez-vous, mon ami? Voilà qui est formidable. Quoi donc, mon cher? Mariage inattendu, inexplicable, extraordinaire. De grâce, expliquez-vous, de quel mariage parlez-vous? Mais par les cornes du diable, de mon mariage. Vous allez vous marier? Apparemment, oui, il paraît que je me marie aujourd'hui à 11 heures. Et il est 10:30. Que signifie cette énigme? Vous ne m'aviez rien dit. Qu'aurais-je pu vous dire, mon cher comte? J'ignorais moi-même que je dusse me marier aujourd'hui. Je l'ignorais tantôt encore, lorsque par hasard j'ai appris cette pénible nouvelle en jetant machinalement les yeux sur ce journal ouvert devant moi. Lisez plutôt. Ce dialogue était échangé entre deux jeunes hommes de 25 ans environ, dont l'accent sonore décelait l'origine gasconne. L'un était le chevalier d'Arsac, l'autre le comte de Beaulieu. Ils étaient commodément installés dans un des riches restaurants du boulevard des Italiens où ils attendaient le déjeuner qu'ils venaient de commander lorsque les yeux du chevalier s'étaient machinalement portés sur un journal déplié sur la table. Quelle n'avait pas été sa surprise d'apprendre qu'on annonçait son mariage, oui, son mariage à lui, que n'avait torturé aucune idée matrimoniale. On comprendra dès lors l'impétuosité claironnante de ces jurons méridionaux. Il tendit le journal à son ami le comte de Beaulieu. Celui-ci lut, sous la rubrique des mondanités, « On annonce le mariage de monsieur le chevalier Gaston Terrail de Bayard d'Arsac, comte de Savignac, avec madame la baronne Marguerite de Carteret. La cérémonie aura lieu demain lundi à 11 heures du matin en l'église de Carteret. On sait que monsieur le comte de Savignac, plus connu sous le titre de chevalier d'Arsac, est le dernier descendant du grand Bayard, le célèbre chevalier sans peur et sans reproche. Quant à madame la baronne de Carteret, elle est issue d'une vieille noblesse normande dont le premier du nom fut Enguerrand, seigneur de Carteret, qui vivait au Xe siècle. Comme on le voit, le mariage de demain consacre l'union de deux grands noms, plusieurs fois illustrés dans l'histoire de notre pays. « Eh bien, qu'en pensez-vous » demanda le chevalier d'Arsac à son ami, quand celui-ci eut terminé la lecture de l'articulé. « Hum, je n'en pense rien, sinon que c'est étrange. »« Étrange, dites plutôt, mon cher ami, que c'est triste. » « Connaissez-vous la baronne de Carteret ? Je n'en ai jamais entendu parler. Comment expliquez-vous ce mariage ? Auriez-vous un homonyme ? Y aurait-il un second chevalier Gaston Terrail de Bayard d'Arsac ? » Le chevalier bondit sur sa chaise. « Y songez-vous, un second chevalier d'Arsac ? Ça, c'est impossible. Non, mon cher comte, il y a et il n'y aura jamais qu'un chevalier d'Arsac. » « Je suis le dernier descendant du grand Bayard et l'unique possesseur de ce nom glorieux. »« Mais alors ?»« Mais, comte, je ne vois qu'un moyen de tirer cette affaire au clair, c'est de me rendre sans tarder sur les lieux, à Carteret, et de voir ce qui s'y passe. »« Garçon » cria-t-il, « l'horaire des trains !» Quelques instants après, Darsac feuilletait les tableaux indiquant les départs. « Mordius, dit-il, je n'ai pas de temps à perdre. Voici un express qui part dans 35 minutes. Excusez-moi de vous fausser compagnie. »« Mais, mon cher chevalier, vous n'allez pas, j'espère, partir avant d'avoir déjeuné ?»« Mais si. Excusez-moi, je pars à l'instant. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Peut-être arriverai-je encore à temps pour arranger cette affaire extraordinaire. Garçon, ailez une auto. » Moins d'une minute après, le chevalier, après avoir serré les mains de son ami, partait à toute vitesse. Arrivé à la gare, il sauta dans l'express qui l'emporta vers la Normandie. Durant le trajet, il songea à cette étrange aventure dont il était le héros. « Que signifie ce mariage ? Se demandait-il. Il n'est pas possible qu'il y ait un second chevalier d'Arsac portant tous mes titres, tous mes noms et jusqu'à mon prénom. Je ne suis pas fou pourtant, je n'ai jamais songé à convoler en juste noces. Et cette baronne de Carteret, qu'est-ce pour une vieille dinde ? Voyez-vous le descendant du grand Baïa végétant dans un petit village de province ? Ah non, il est temps que je mette ordre à cela. Durant tout le trajet, le chevalier s'énerva, s'excita, se monta la tête, si bien que ce fut animé d'une fureur homérique qu'il arriva devant le château de Carteret. L'habitation avait un air de fête. On voyait des laquais passer, affairés, se bousculer. Darsac en arrêta un au passage. « Annoncez à votre maître, ordonna-t-il, le chevalier Darsac, comte de Savignac. » Le domestique s'inclina respectueusement et se retira en murmurant « C'est le frère du marié, sans doute. » Le chevalier attendait, debout, dans l'ombre du boudoir, lorsqu'il crut s'apercevoir dans un miroir. Et soudain, il sursauta. Ce n'était pas le reflet de son visage qui lui apparaissait, c'était son image même, c'était un étranger qui lui ressemblait comme un frère. Le nouvel arrivant, sortant d'un vestibule éclairé, ne vit d'abord qu'indistinctement Darsac, caché dans la pénombre du boudoir. Il n'en fut pas de même du chevalier, à qui l'inconnu apparut en pleine clarté. Sa première surprise passée, il s'écria « Monsieur, voulez-vous me dire à qui j'ai l'honneur de parler ?»« Au chevalier Gaston Terrail de Bayard d'Arsac, comte de Savignac, » répondit l'étranger. « Qu'est-ce à dire ? » gronda Darsac en se redressant comme un coq sur ses ergots. « Le chevalier Darsac, c'est moi, monsieur !» L'étranger bondit littéralement, comme s'il avait mis le pied sur des tisons ardents. Ses yeux s'étaient accoutumés à l'obscurité et il avait distingué les traits du visiteur inattendu. Son visage exprima l'ahurissement le plus parfait. « Enfin, » pensa Darsac, « je vais connaître le mot de l'énigme. » Il espérait une explication, mais soudain, au moment où il s'y attendait le moins, il vit l'étranger tourner les talons et se sauver avec une rapidité absolument déconcertante. « Mordieu !» s'écria Darsac, « que signifie cette réception ? Eh, monsieur, pourquoi donc fuyez-vous ? » Et il se précipita sur les pas de l'inconnu qui lui ressemblait d'une si étonnante façon. Il l'aperçut qui disparaissait au fond d'un couloir. Dès lors, ce fut une course, une chasse à travers les chambres désertes et des galeries où apparaissaient par instants les faces étonnées des serviteurs. Darsac s'aperçut enfin qu'il était seul à courir et que le lièvre qui poursuivait avec acharnement avait disparu. Il résolut de le chercher à travers les salles du château. Mais bientôt, il vit apparaître tout un monde sélect, messieurs en habits, dames en toilette de soirée, qui, à son apparition, l'observèrent avec une curiosité inquiète. Une jeune femme vêtue en mariée vint à lui. « Que s'est-il passé, mon cher Gaston ? » lui dit-elle avec douceur. Darsac s'arrêta ahuri. « Est-ce à madame la baronne de Carteret que j'ai l'honneur de parler ? » demanda-t-il. La jeune femme leva sur lui des yeux effarés, tandis que des voix chuchotaient. « Accès de folie subite, ce pauvre comte !» « Me prend-on pour un fou ?» se demanda Darsac. Et il renouvela sa question. « Mais oui, Gaston, » finit par répondre en tremblant la jeune femme. « Je suis votre épouse. Ne me reconnaissez-vous pas ?»« Voilà qui est fort !» s'écria le chevalier impatienté. « Madame, je ne comprends rien à ce qui se passe ici. Voudriez-vous avoir l'obligeance de me dire où je pourrais trouver monsieur votre époux ?» Mais, au lieu de répondre, la jeune femme fondit en larmes et Darsac l'entendit murmurer d'un accent désespéré « Mon Dieu, c'est vrai, il est devenu fou !» Le père et la mère de la mariée s'étaient précipités vers leur fille. Les convives s'étaient levés et le plus grand désarroi régnait autour d'une table encore richement servie. « C'est ça, » pensa le chevalier, « c'est bien ce que j'avais prévu. » On me prend pour le marié qui me ressemble d'une façon étonnante. mais je serais heureux de voir revenir le véritable époux. Attendons. » Cependant, il s'apercevait qu'on l'observait à la dérobée avec une inquiétude bienveillante. « L'inconvénient dans tout ceci, pensa-t-il, c'est qu'on me prend pour un fou. » Grâce aux soins empressés de ses parents et à leurs conseils, la jeune mariée avait recouvré son sang-froid. Le baron de Carteret vint à Darsac et lui dit d'un ton plein de douceur « Vous sentez-vous mieux, mon cher Gaston ?»« Mais je me suis toujours bien senti, monsieur. Me prenez-vous pour un fou ?»« Loin de moi cette idée, mais vous comprendrez que votre départ subit et votre rentrée ici, après une course incompréhensible à travers le château, nous avait un peu surpris. » « Oui, oui, je comprends. » Darsac voulait faire aussi quelques concessions, comme son digne beau-père. Celui-ci profita de cette heureuse disposition d'esprit pour engager son prétendu gendre à reprendre place à table. Le chevalier se laissa faire en souriant. Il se dit in petto « Quelle tête va faire le marié quand il rentrera ? Je suis ici, j'y reste jusqu'à son retour. » Le calme s'était rétabli, les verres se remplissaient. Le baron de Carteret donna ordre de continuer le service et de nouveaux plats apparurent. « Mordius, j'ai grand faim, » pensait le chevalier. « Il ne me déplairait pas d'entrer dans la peau du marié pendant une demi-heure. C'est que je n'ai pas déjeuné, moi. » Après tout, pourquoi ne profiterais-je pas de l'occasion qui s'offre pour reprendre des forces? On a bien pris mon nom, pourquoi ne prendrais-je pas mon dîner? Son verre était plein, on lui offrit des plats succulents. Hum, c'était bien tentant pour un estomac affamé. Darsac mit ses derniers scrupules en poche et dévora à belles dents les mets qu'on lui présentait. Quel appétit! Disait à voix basse à son voisin une vieille douairière. C'est plaisir d'avoir pour gendre un tel convive. Ne croirait-on pas qu'il n'a plus mangé depuis 8 jours? Et Dieu sait s'il a fait honneur au dîner. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Darsac n'entendait rien. Sa faim grandissait à mesure qu'il mangeait. Maintenant, tout le monde le contemplait avec surprise et admiration. Et l'on chuchotait « C'est Gargantua en personne! Quelle fourchette royale !»« C'est égal, philosophait la vieille douairière. C'est un admirable convive, mais je me garderai bien de l'inviter souvent chez moi. Quel gouffre! C'est pis que l'Etna ou le Vésuve !»« Oui, répliquait à voix basse son voisin, c'est légèrement excessif, et je trouve cette façon de manger bien peu conforme aux règles de la bienséance. » Et Darsac mangeait toujours. On arriva au dessert. Les fruits et les confiseries ne trouvèrent point grâce devant la faim implacable du chevalier qui engouffra presque à lui seul toute une pièce montée. « Cette faim n'a pas de fin, » pensa bénévolement monsieur le notaire qui avait dressé le contrat de mariage. « Pourvu que le marié ne dévore pas ainsi la dot de cette douce jeune fille que j'ai vue grandir. » « C'est un homme insatiable, ce chevalier Darsac. Dieu me préserve d'un tel gendre. Il faut être riche comme le baron de Carteret pour s'en offrir un pareil. » Quand Darsac eut bien mangé, il songea à sa situation. Il avait compté voir reparaître l'homme qui lui ressemblait si étonnamment. L'attente finissait par le lasser. « Ah ça !» s'écria-t-il à brûle-pourpoint. « Mais le marié ne reparaît donc pas ici ?» Les convives échangèrent des regards d'intelligence et des voix chuchotèrent à nouveau « Voilà la folie qui reprend !» La jeune mariée se pencha vers lui dans le but évident de le calmer. Elle parvint tout au moins à lui faire prendre patience. Un voisin complaisant remplit le verre du chevalier et l'on trinqua pour détourner la conversation d'un sujet aussi pénible. Darsac but à longs traits, l'ivresse naissante rayonnait sur sa face conquérante, les saillies ironiques ou cinglantes jaillirent de ses lèvres, bref, il fut pétillant d'esprit. Le vin lui déliant la langue, il raconta ses voyages, ses aventures héroïques dans le Nouveau Monde, en Afrique et partout ailleurs. Et il émaillait sa conversation d'anecdotes et de propos amusants au plus haut point. Bientôt, toute l'assemblée fut suspendue à ses lèvres. « C'est peut-être un fou, » confia la vieille douairière à son voisin, « mais ce n'est certes pas un de ces imbéciles dont l'espèce est beaucoup plus commune. » Quant à la jeune mariée, elle buvait les paroles de son époux. Jamais celui-ci ne lui avait paru aussi spirituel, ni aussi beau parleur. Elle l'en aimait davantage et le contemplait en souriant. Darzac, de son côté, se souciait assez peu de l'impression qu'il produisait sur elle, et l'on s'étonnait de la froideur de ce nouvel époux. Les récits du chevalier firent passer le temps plus vite qu'on ne croyait. La nuit était avancée, l'heure de se séparer sonna. Les invités se levèrent. « Ah ça !» s'écria à nouveau Darzac, rappelé à la réalité par le départ des convives. « Le marié ne se décide pas du tout à revenir. Mordieu, c'est trop fort !» Les invités s'entre-regardèrent et s'empressèrent de se retirer. « C'est une nouvelle crise en perspective, » se dirent quelques-uns. « Évitons ce spectacle pénible. Et puis, on ne sait jamais ce qu'il peut arriver. S'il devenait fou furieux !» Et l'on se retira en plaignant amèrement la pauvre mariée. Si jeune, et avoir épousé un démon, pouvait-on prévoir ce malheur ? Quant au chevalier, il s'était incliné devant sa prétendue épouse et ses parents, et il prenait congé d'eux. « Mais où allez-vous donc ? » fit le baron de Carteret, surpris au plus haut point. « Dame, je rentre chez moi. Le jour de vos noces ?» « Mais je ne suis pas mariée, moi !»« Voyons, Gaston, dit le baron conciliant, raisonnons, écoutez-moi, mon fils, car vous êtes mon fils !» Le chevalier dut subir la tirade du vieux, qui lui fit comprendre que ce n'était pas le moment de faire la folie de quitter son épouse. Darzac se débattit en vain, rien n'y fit. Le baron de Carteret voyait dans ses dénégations les signes évidents de la folie, de la morate de son prétendu gendre. Il acquiesçait de la tête, comme on fait avec les fous, mais il n'en démordait pas. Il fit valoir des arguments sérieux et remarquait qu'il n'y avait plus de train en partance à une heure aussi tardive. Darzac se rendit à cette raison majeure. Il accepta de passer la nuit dans le château. Darzac se retira donc seul dans ses appartements après avoir salué la jeune mariée avec les marques du plus profond respect. « Enfin seul !» se dit-il en fermant la porte à clé. « Il était temps. Ces gens finiraient par me faire devenir fou. Mais qu'est donc devenu le marié ? J'en ai assez, à la fin, d'agir par procuration. Ah ça, Mordius ! On finirait par me coller pour tout de bon une épouse sur le dos. » Demain, il faut absolument retrouver ce diable de mari. En attendant, dormons, la nuit porte conseil. Pendant ce temps, le baron et la baronne de Carteret échangeaient leurs impressions et plaignaient leur fille. Pauvre enfant, disait la mère, quel malheur! Le premier jour de ses noces, son mari devient fou. Qu'allons-nous faire? Nous aurons recours à une sommité médicale. Ne désespérons pas. Aurait-on supposé que le comte de Savignac fût malade, un homme habituellement si réservé? Fiez-vous aux apparences. Nous aviserons demain. Et les deux époux s'endormirent. Seule dans sa chambre, la jeune mariée était éveillée encore. Elle pleurait son bonheur perdu et se remémorait les beaux jours des fiançailles. C'est dans un bal qu'elle avait rencontré le fringant cavalier qui lui avait dit être le comte de Savignac. Tout de suite, elle l'avait aimé. Le comte avait demandé sa main et l'avait obtenue. Il était de bonne noblesse et le baron de Carteret l'avait agréé sans hésitation. La jeune baronne Marguerite de Carteret apportait à son mari 1 500 000 livres de dot. L'époux apportait un nom glorieux, sa distinction naturelle et son bel esprit, ce qui, aux yeux de la jeune fille, valait bien aussi quelques millions de francs.